Comment autrui est-il apparu en philosophie? Le mot autrui semble une évidence désormais, en tout cas en philosophie. Dans la vie de tous les jours, c'est une autre affaire à la fois pour le mot et pour la chose. L'évidence d'autrui est toujours mise en question. Mais pourtant, en philosophie du moins, depuis une période ou un contexte qui n'est pas anodin, qui est celui de la Seconde Guerre mondiale en particulier, le rapport à autrui, la catégorie d'autrui, semble une évidence justement en philosophie. Et d'abord en philosophie morale, et celui qui l'incarne le plus, c'est Emmanuel Lévinas, le grand penseur d'autrui, qui définit l'éthique et même la vie humaine, la métaphysique, par le rapport à l'altérité radicale, incarnée dans le visage de l'autre homme, dans le visage d'autrui. Autrui, cette déclinaison en latin, datif, un certain cas du l'altérus, de celui à qui on se rapporte, qui n'est pas nous-mêmes. Autrui devenu le symbole de la philosophie morale. Pourtant, cette catégorie a une histoire et il importe de la retracer. Et il n'y a pas de philosophie sans une histoire de la philosophie qui la rattache à l'histoire tout court. Autrui, ce terme apparaît notamment dans une école de philosophie dont Lévinas est un des membres les plus éminents et qu'on appelle la phénoménologie. Qu'est-ce que la phénoménologie? C'est la méthode en philosophie qui cherche justement à ramener l'ensemble des êtres à des phénomènes pour une conscience, pour un moi, où Searle, son fondateur, dit un ego, le au moi en latin, toujours ce latin, l'ego, l'alter ego, ego, autrui. Un moi donc qui est la condition de l'existence du monde tout entier. Et de ce point de vue-là, en réalité, pour quelqu'un comme Husserl en Allemagne, au début du XXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, les choses alors sont des objets donnés pour notre conscience, mais autrui justement. Un autre sujet devient quelque chose comme un mystère. Comment puis-je accéder à la subjectivité d'autrui, penser même à autrui, depuis un moi ou un sujet qui est quelque chose comme la condition de tout le reste et sans réduire autrui à un objet? La surprise qu'on doit avoir, c'est que le problème d'autrui surgit dans une philosophie qui part de la conscience individuelle, qui part du moi et pour qui autrui devient un mystère. Et c'est cette reconquête d'autrui depuis une philosophie pour qui il n'a rien d'évident, alors que les autres philosophies pouvaient parler des autres hommes, depuis l'universel de la loi morale ou dans les sciences sociales, penser la différence entre les humains. C'est depuis cette philosophie-là que le problème d'autrui est apparu. Et en France en particulier, de Sartre jusqu'à Lévinas, il y a toute une déduction de ce paradoxe de l'existence d'autrui comme fait premier en réalité et non pas second pour moi-même. Mais peut-être avec un effet de rattrapage, comme si on courait pour rattraper autrui depuis une philosophie qu'il avait exclue au départ. Et c'est le cas chez Sartre dans L'être et le néant où finalement ma conscience découvre avec l'apparition d'autrui dans le monde, celui qui me regarde, que je suis un sujet pour qui tous les autres sont des objets, mais l'inverse vaut aussi pour autrui, le pour autrui dans L'être et le néant de Sartre. Je suis aussi un objet pour lui. Et donc chez Sartre, il y a deux rapports inverses, parfaitement égaux et démocratiques. Tu es un objet pour moi et je suis un objet pour toi. Et nous sommes à la fois en train de nous dominer mutuellement comme sujet ou de nous abolir mutuellement comme objet dans le regard de l'autre. D'où l'alternative si surprenante chez Sartre du sadisme et du masochisme. Des deux rapports à autrui extrêmement violents et impossibles à mener jusqu'au bout, selon lui. Lévinas va beaucoup plus loin. Pour lui, au fond, la découverte de la subjectivité d'autrui dans mon expérience, justement, consiste à me décentrer radicalement de moi-même. L'autocentrage de la phénoménologie devient alors une illusion théorique et elle nous conduit paradoxalement à sortir radicalement de nous-mêmes. L'éthique, c'est la découverte que c'est la subjectivité de l'autre qui me parle en premier, que c'est ma condition fondamentale. Ainsi, la découverte d'autrui, et on pourrait en citer d'autres figures chez Heidegger, chez Merleau-Ponty, vient dans cette philosophie toujours avec un coefficient de radicalité. C'est en quelque sorte autrui ou moi. Et Lévinas a eu ce geste fondamental après l'épreuve éthique de la Seconde Guerre mondiale de mettre autrui en premier. Après vous, disait-il. Le moi s'efface devant autrui. Mais peut-être, encore une fois, cette radicalité ne vient-elle que de la radicalité inverse. Peut-être que ce « après vous », au lieu d'être un mystère majuscule, une transcendance de l'autre, est une condition de nos vies ordinaires. C'est les autres qui nous ont constitués. Nous sommes en relation avec les autres. N'est-ce pas la plus grande philosophie qui redécouvre l'évidence première de nos vies ?